Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 318e épisode de notre podcast, prise numéro 2, puisque le premier enregistrement a foiré. Je suis, comme pour la première fois, avec Boris. Bonjour. Et avec Clément. Salut. Je vous sens fébrile, puisque la dernière fois, c'est à peu près 1h45 d'enregistrements qui ont disparu. Nous allons donc refaire le bilan de 2021 et nos souhaits pour 2022. On va le faire un peu différemment de la première fois, puisqu'il n'y a plus aucune spontanéité. Vous connaissez tous les résultats des votes des lecteurs et auditeurs maintenant, donc je n'ai plus rien à vous apprendre sur le palmarès de ce bilan. Donc on va refaire notre bilan. Je rementionnerai le résultat des votes à la fin de chaque section de bilan, et on va essayer de ne pas avoir l'impression de se répéter trop, même si... De toute façon, ce le sera, puisque nos coups de cœur de l'année n'ont pas changé en une semaine, a priori. Non, rien de neuf. Mais on va essayer d'être performant encore une fois. Mais bien sûr. Parce que c'était sans doute le meilleur. Voilà, c'était sans doute le meilleur podcast de tous les temps. On a attendu 318 pour en faire une bonne, et merde, elle est perdue. C'est pas de bol, ouais. Bon, on va essayer d'être un peu moins mauvais que d'habitude. Voilà. Déjà pas mal. Objectif. Et comme je suis dedans. Ah. Ouais, déjà, ça plombe le truc, effectivement. Bon, mais bon, on va commencer par la VF. Ce sera notre excuse si jamais c'est pas bon. Oui, commençons par la VF. Donc pour la VF, nous allons parler peut-être d'abord des éditeurs un petit peu, puisque le paysage éditorial en VF a pas mal bougé en 2021. On a des petits nouveaux qui maintenant sont bien installés, je pense à iComics. Et puis, on a de vrais petits nouveaux qui frappent assez fort d'entrée de jeu avec de superbes albums. Boris, toi qui as échangé pas mal avec eux, avec tous ces éditeurs-là, et autour des titres qu'ils ont proposés avec toutes tes reviews, quelle est ton observation sur cette évolution du paysage en 2021 ? Bah, c'est vrai que tu parles du petit nouveau, donc 404 Comics. Effectivement, j'ai pas mal échangé avec eux et ça fonctionne bien, ils sont motivés et ils proposent peu de titres, donc ils ont bien saisi que le marché était déjà bien bouché et qu'il fallait adopter cette stratégie pour s'en sortir. Et une volonté de proposer des ouvrages originaux en termes d'édition, originaux et de qualité, toujours extrêmement travaillés. Et puis en termes de titres, très variés, puisque ça va du strip au quasi super-héros, à l'horrifique, et puis au tout public, on va dire, avec Diona. Moi, j'ai tout lu, franchement, rien ne m'a déçu. Alors, il y a des titres qui sont, voilà, sur lesquels on est plus ou moins sensible, mais vraiment une belle première année, je trouve. Et puis le programme de l'année prochaine donne bien envie, avec We Live déjà en février, là, qui va arriver. J'avais raté cette série en VO. Et les premiers visuels, tout ce que j'ai pu voir, ça donne carrément envie. Ouais. Donc j'attends d'avoir le bel objet entre les mains pour en parler, mais ça sent très bon. Voilà, c'est la grosse nouveauté, hein, de cette année. Tu parlais d'iComics, effectivement. iComics, maintenant, je pense que dans le paysage comics français, indé, c'est un éditeur bien installé, qui a peut-être eu un petit peu plus de mal cette année, mais comme tout le segment comics, voilà, en librairie, donc je crois qu'il n'y a pas de surprise. Après, les titres ont été peut-être... Il y a des titres qui étaient un petit peu moins séduisants, il y en a un ou deux qui m'ont un peu moins convaincu, mais ça reste quand même de qualité, et le programme prévu là aussi pour l'année prochaine, avec beaucoup de RAMV notamment, dont je suis assez friand en indé, donne carrément envie, donc... Donc voilà, RAMV a l'air de devenir l'auteur maison. Oui, Sullivan ne cache pas qu'il s'entend bien avec lui, qu'ils se connaissent depuis un certain temps, donc ils sont assez complices. Il y a une complicité, une confiance, même si il n'a pas réussi à avoir The Many Deaths of the Last Star, dont on va sans doute reparler un petit peu plus tard. Trop d'argent sur la table. Voilà, c'est ça. C'est aussi le petit problème, on va dire, des ventes en berne un petit peu toute l'année, et puis quelques-uns quand même qui sortent les billets par moment, donc ça, voilà, ça fausse pas, mais on va dire que des fois c'est un peu frustrant, je pense, pour les éditeurs qui ont un peu moins de moyens et qui font pourtant un boulot de qualité, donc voilà. Et puis moi, je suis toujours accro à Delirium, le petit, un petit éditeur déjà ancien, hein, c'est pas un nouvel éditeur, mais qui propose beaucoup de titres de patrimoine, du Pat Mills avec Judge Dredd ou Nemesis, ce genre de choses, et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me replonger dans ces titres indés des années 80, 70, qui fonctionnent particulièrement. Voilà, en gros, un peu mon petit point de vue. Moi, je soulignerais le retour un peu en forme de Delcourt, après un petit passage à vide, enfin, pas vraiment passage à vide, mais un petit moment où on se cherche, une fois qu'on perd une licence comme Walking Dead, que Invincible s'arrête. On a quand même ce moment où il faut reconstituer un catalogue avec des titres forts, des grosses locomotives, et redémarrer. Et là, 2021 a été l'occasion pour eux de tester d'abord des nouveaux formats, avec de plus en plus de formats intégrales, qui sont quand même très intéressants, notamment économiquement. Ce qui a changé par rapport à la première prise de cette émission, c'est qu'entre-temps, j'ai fini par l'acheter, cette gargantuesque édition de Tchou, parce que c'est un superbe objet, parce que c'est bien fabriqué, que le truc a l'air hyper solide. C'est 40€ pour 20 épisodes. L'équivalent en VO, c'est les éditions qui coûtent 100$, donc une centaine d'euros. Donc ils sont imbattables sur ce type de format. Et ils ont réussi aussi, je trouve, à renouveler pas mal leur catalogue en allant chercher les nouvelles séries du moment. Donc on va en voir pas mal arriver, notamment là en début 2022. Mais ça avait déjà commencé ce mouvement, je trouve, en 2021. Ils ont bien réussi à négocier le virage. Et là, ça y est, Delcourt est enfin de retour au niveau qu'il avait avant, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, là, ils ont acquis beaucoup de nouvelles séries de qualité qu'on a suivies en VO. Là, tout est un peu accumulé, je trouve, en janvier. Ouais. Il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des titres qui ont été décalés avec la pénurie de papier, etc., qui étaient prévus pour fin 2021 et qui se retrouvent un petit peu dans l'embouteillage de début de 2022, mais beaucoup de choses très très bonnes à venir, effectivement. Ouais. Et puis les autres qui continuent sur leur ligne éditoriale habituelle, c'est-à-dire Urban Comics qui nous propose du Batman, Panini qui augmente les prix et crée la polémique sur les formats, et puis Bliss Edition qui continue son petit bonhomme de chemin avec son fonctionnement Ulule puis librairie qui a l'air d'avoir permis d'avoir trouvé l'équilibre, donc voilà, ouais. les autres ont une année plutôt stable par rapport à ce qu'on connaît d'eux. Ouais, je rajouterai un petit truc sur Urban Comics, puisqu'il y a la newsletter là, qui a été lancée il n'y a pas très longtemps sur Substack encore, où a priori l'indé va reprendre un peu de peps en 2021, hein, oui. notamment avec du Tanyan 4 à tir larigot. Il y a aussi les séries de Donnie Cates, Crossover, etc. qui vont. Je pense que Urban va remettre un petit peu le paquet sur l'indé, on va voir. Et puis on récupère leur locomotive en 2022. Oui, avec Saga qui va sans doute arriver en fin d'année, je pense. Pas négligeable. Oh, avant. Avant, tu crois? Le premier épisode arrive là dans 3 jours en VO. Mmh. Tu peux être sûr qu'en juillet, ils vont coller au premier TPB au cul du camion. Ouais. Ou peut-être septembre, parce que juillet n'est pas forcément la bonne période pour. Mais dès la rentrée de septembre, tu es sûr que Saga tome 10 arrive et on va nous faire des packs découvertes et des trucs à gogo. Tu verras, ça va être la grosse fête de Saga au mois de septembre. Ouais. En parlant de packs découvertes, là, ils ont ressorti Something is Killing the Children en format comics traditionnel, on va dire, après le passage en Urban Link qui n'était pas vraiment adapté. Et il propose pour 10€ les deux premiers tomes. Ouais. Donc là, c'est cadeau. 25€, hein. On peut se faire les trois premiers à peu près, hein, c'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est 16. Ça fait 25-26€. On a les trois premiers TP. Je crois que c'est Loka, c'est une bonne série. Donc, Ils ont pas hésité. Ils ont su réagir au tollé suscité par le format Urban League pour ce genre de série. Et c'est bon, parce que ce format est dégueulasse quand même. Le format est pas top. Et puis en plus, je crois que quand même l'ambiance de la série n'était pas forcément adaptée aux lecteurs Urban Link qui peuvent aller de grands ados, on va dire, jusqu'à jeunes adultes. Ça peut être un peu chaud. Donc c'était peut-être pas forcément adapté. Ouais. Et puis dernière chose, on parlait de Comics Initiative, parce qu'on en parle pas beaucoup. Moi, je c'est un des seuls éditeurs pour qui je vais participer au financement participatif, et parce qu'ils fonctionnent comme ça aussi, mais Donc financement et puis après un peu de librairie, mais c'est surtout le financement participatif. Et je trouve qu'ils ont des bons titres, des bonnes pioches. Ça fonctionne pas mal. Je pense qu'ils tournent, hein, ils chôment pas avec leur bouquin. Et souvent, c'est de belles qualités aussi éditoriales. Donc un éditeur que j'ai tendance à suivre un petit peu de plus en plus là en ce moment. Donc voilà, un petit signal. Donc sans surprise pour vous, allez, messieurs, c'est évidemment les chouchous de nos auditeurs et lecteurs pour cette année 2021 sont Delcourt et 404, à quasi-égalité dans les votes. Donc ils se partagent la première place d'éditeur VF de 2021 avec iComics en embuscade sur la troisième marche du podium, on va dire. Voilà, donc on a un trio de tête pas surprenant. La prime au nouveau qui marche bien, qui est efficace et qui fait du bon boulot et qui marque les esprits, et le retour de Delcourt qui se confirme, voilà. Ouais, pas de surprise, mais plutôt content, quoi, pour que ça fonctionne. Parfait. Allez, on va passer au titre sorti en VF cette année, et on va écouter... alors Clément, je sais que tu ne lis pas trop de VF, toi. Donc, à part nous parler de la fin d'une série chez Urban que tu as aimé... Lire en VO chez Image, il n'y a pas grand-chose dans le lot de la VF que tu connais. C'est le souci de la VF que j'ai. c'était quoi la série du C'était Gaiden Falls, évidemment. Oui, mais j'ai eu un doute. Hein, je t'ai demandé. Oui, évidemment, Gaiden Falls. Donc je me base forcément sur ce que j'ai lu en VO, mais je crois que la VF, ça suit le même découpage. Hein. Je crois pas que... Enfin, c'est Urban, après, ils font pas trop... Généralement, ils font pas n'importe quoi de souvenirs avec les titres en VO. Que dire par rapport à ce que j'ai déjà pu dire sur la série, c'est une série moi qui a cessé de me surprendre puisqu'on a quand même, si on commence sur un ton quand même qui est assez horrifique. On va dire les deux premiers arcs sont un chouïa horrifique. Et en fait, on bascule petit à petit vers quelque chose qui va être à la fois dans l'ordre glorifique et du quelque chose d'assez, je dirais, qui quasiment tournerait vers de la SF puisqu'on est vraiment dans un aspect multivers en fait, vraiment multivers, et ça donnait un développement assez génial avec énormément de rebondissements. Et puis Gaiden Falls est en fait à lire. Rien, et ça je crois que je l'avais déjà dit lorsqu'on avait fait la première tentative d'enregistrement, c'est à lire avec rien parce qu'il y a les dessins d'Andrea Sorrentino. Et je crois Gaiden Falls, surtout sur le dernier arc, il s'est surpassé, mais il a fait des dingueries. Mais vraiment, et c'était hallucinant de voir ce qu'il a réussi à faire sur Gaiden Falls. Et on va être clair, ça serait pas Sorrentino sur ce titre, Gaiden Falls n'aurait pas eu l'ampleur qu'il aurait pu avoir avec Sorrentino, quoi. Enfin, c'est indissociable. Encore une fois, le Gaiden Falls, c'est l'exemple type qui démontre que le duo Sorrentino-Lemire est globalement magique, parce qu'ils arrivent à te faire des pépites. Et là, c'était dingue en termes de construction de personnages, en termes de construction d'histoire. Gaiden Falls est une vraie réussite de ce point de vue-là. Ouais. Et le duo annonce en plus, si j'ai bien compris, pour fin 2022, début 2023, une flopée de séries, voilà, du même univers qui va se développer, etc. J'ai cru comprendre ça. Un univers horrifique, quoi. Ils vont créer leur univers horrifique. Je suis assez curieux. Ça va prendre si j'ai bien compris, ça va prendre je crois que ça va être à la fois des comic books, à la fois des graphic novels. Enfin, ça a l'air ambitieux. Ouais. Ouais. Et puis sur le reste de la VF, du coup, moi c'est vrai que je suis pas trop client de VF non plus, hein, donc évidemment j'ai vu d'un œil assez curieux les propositions faites par 404, notamment Autonal, qui était un superbe bouquin que je n'ai pas pris puisque moi j'ai lu Autonal en VO. L'intégrale Lock and Key aussi est quelque chose d'assez marquant, qui a été très très attendu et qui finit par arriver sur la fin d'année. Après plusieurs reports, ça valait le coup d'attendre apparemment, hein, quand on voit le résultat final de l'objet. Et puis, peut-être le seul titre du coup, à part la gargantuesque édition de Tony Chou, le seul titre que j'aurais acheté en VF cette année, c'est Giant Days, via le financement du tome 4 et 5 sur Ulule, chez Akileos, parce que c'est Giant Days, parce que l'édition proposée par Akileos, l'édition un peu de luxe intégrale, appelez ça comme vous voulez, n'est d'abord pas très cher par rapport à la qualité de l'objet, et en plus rend quand même justice à la série beaucoup plus que les tomes dans leur première version. Donc voilà, moi, mon année VF, elle aura été tournée là-dessus surtout. Mais j'ai vu quand même passer pas mal de bien beaux albums. Donc tu vas pouvoir peut-être nous parler un peu plus, toi, Boris. Des albums ou des albums séries, et séries, je mélange tout. Oui, vas-y. Ouais, allez, soyons fous. Tu parlais de Giant Days, moi aussi, j'ai bien évidemment pris la belle version intégrale, qui semble, avec le financement participatif, avoir un beau succès quand même. Contrairement à la sortie initiale en album semi-cartonné qui avait pas trop fonctionné, malheureusement. Et donc, les deux derniers tomes sont annoncés pour le printemps, donc à ne pas rater. Parmi les séries, bah, évidemment, les Tortues Ninja chez iComics, hein, que j'ai commencé il y a quelques années, pas au tout début, parce que j'avais lu le premier tome et c'est franchement sans doute le plus mauvais, entre guillemets, le moins bon de la série. Donc forcément, c'était pas facile de débuter avec ça. Mais une fois qu'on passe ce tome, et puis après ils ont sorti le tome 0 qui rattrapait tout ce qui avait été fait chez Soleil auparavant, une fois qu'on est lancé, c'est quand même une série assez exceptionnelle en termes de construction, sur la durée, de respect de la continuité de ce que le scénariste Tom Waltz installe. Donc moi, c'est toujours un plaisir de lire. Moi, il y a des arcs un peu plus faibles que d'autres, mais franchement, là on approche du 80, épisode 80 en VF, et c'est vraiment vraiment excellent. Parmi les classiques, on va dire que sort Delcourt, toujours Strebulets, polar de David Lafame, assez exceptionnel. Là, on en est au tome au volume 4 en VF. Donc plutôt content que ça ait l'air de fonctionner. Chez Delirium, il y a le petit nouveau Michel Fif qui vient de sortir en VF. Alors il y avait Panorama, un one shot, et puis ensuite ils commencent Copra, là, qui a l'air de ce que je vois un petit peu sur les réseaux de fonctionner quand même. Donc plutôt content. C'est une adaptation de la Suicide Squad d'Ostrander des années 80, dont est fan Michel Fif. Donc franchement, graphiquement, c'est de la folie. C'est très indé, évidemment, donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Vous pouvez jeter un œil, j'avais interviewé le dessinateur. Il décrit pas mal son travail. Et puis parmi les albums one shot, on va dire, hein, le Veil, qui s'intéresse à la mythologie scandinave. Au départ, j'avais pas vu ce titre. C'est mon libraire qui me l'a conseillé. Et franchement, sans doute une des meilleures lectures de l'année. Vraiment, graphiquement, c'est sublime. Et puis l'histoire est bien fichue. On en reparlera après, mais Monstre de Barry Windsor Smith, qui était un vrai, vrai coup de cœur avec une très belle édition de Delcourt. Vraiment impressionnant. C'est sorti quasiment simultanément en VF et en VO. Donc là, une proposition vraiment hyper ambitieuse et très dense. Et puis tu en viens d'en parler au tonal, évidemment. Moi, au tonal, ça a été de la VO, puis de la VF. J'ai tout pris. L'objet en VF est sublime. Et puis la relecture en VF, j'ai été aussi convaincu et conquis, séduit que la lecture single en VO. Vraiment, moi, c'est une des lectures de ces dernières années pour moi. Voilà, à peu près en rapide, les séries ou titres marquants. Ouais, ouais, une grosse année. Le choix en termes de vote a été assez clair, malgré tout, pourtant, malgré la grosse vague de choses hyper intéressantes. Par rapport aux séries, c'est Gaiden Falls, hein, qui est la série préférée de nos lecteurs et auditeurs sur cette année. Et si on devait faire un podium, on aurait TMNT et Giant Days pour compléter tout ça. Donc bah voilà, ça correspond grosso modo à ce qu'on a pu nous repérer. Autonal, évidemment, est l'album qui remporte tous les suffrages, qui a eu la préférence de tout le monde. C'est plutôt clair et net là aussi, avec un Lock and Key intégral qui se situe deuxième dans le classement des votes pour les albums. Donc là encore, pas de grosses surprises. Et puis, si on devait s'intéresser au patrimoine, puisque tu as souhaité ajouter la fameuse catégorie patrimoine cette année dans les votes, avec tous ces titres un peu reproposés, remis au goût du jour, ou voire même proposés tout court, hein, parce que pour certains, c'est des premières fois, c'était MNT classique, hein, qui est largement, largement devant, avec un numéro 2 dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans l'année, c'est Promethea, chez Urban, qui finit numéro 2, et puis le Next Man de Byrne, pardon, dont le côté j'ai beaucoup fan, parlé, moi. Voilà, dont le côté fan n'est plus à démontrer chez toi pour cette série. Ouais. Si tu es troisième sur le podium, voilà. Ouais, bah les TMNT classiques, c'est un incontournable. Hein. C'est pour ceux qui aiment cet univers, c'est vraiment génial. Ça n'a pas vieilli. C'est vraiment Kevin Eastman et Peter Laird font un boulot assez impressionnant. Avec une partie hommage aux comics des années 80, Frank Miller, etc. Et l'édition de iComics, l'édition VO qui est assez belle. Ensuite, les Next Men, c'est du John Byrne, c'est sa série indé qui reprend les codes super-héroïques à sa façon, et moi j'aime beaucoup. J'ai chroniqué les trois tomes, là la série est terminée, donc si vous voulez vous lancer, tout est clos, donc c'est bon. Et franchement, c'est excellent. Et puis le deuxième, tu parlais de Promethea. Effectivement, alors moi j'avais lu le premier. Promethea, c'est assez hermétique, hein, c'est un peu compliqué, c'est difficile à appréhender. Le premier tome, j'avais plutôt aimé, mais il y avait des épisodes, franchement, difficiles à lire. C'est du Alan Moore compliqué. Donc j'en ai pas reparlé après parce que j'ai pas lu la suite. Là, j'ai le 2 que j'ai pas entamé, mais c'est en trois tomes aussi et c'est terminé, donc on peut se lancer sans risque, mais c'est moins accessible que les deux autres, effectivement. Ouais. Voilà, donc pour la partie VF, avec du coup, une année 2021 plutôt logique en termes de bilan. On n'a pas de grosses surprises, on a des choses qui se démarquent, qui sont assez nettes, qui font l'unanimité, que ce soit chez nous ou chez nos lecteurs et auditeurs. Donc voilà, 2022, on l'a dit. Oui, tu allais dire quelque chose ? Non, j'allais juste rajouter que le titre quand même qui ressort de tout ça, c'est Autonal. Oui. Et effectivement, enfin moi qui suis un petit peu voilà les réseaux d'autres sites ou d'autres éditeurs, enfin de un peu de tout quoi. C'est un titre qui fait l'unanimité clairement. Oui, chez tout le monde. Oui. Alors là, en termes de d'histoire et de d'édition. Donc je crois que c'est une évidence, on va dire. Que oui, c'est l'évidence de l'année en VF, c'est ça. C'est Autonal et les tortues qui fonctionnent bien. Voilà. Si on devait en tirer une grosse tendance des votes, voilà. Ce qui confirme du coup le choix des éditeurs hein, par nos auditeurs. Voilà. Tout ça est en cohérence. Eh bien voilà, 2022 s'annonce là encore assez dynamique, avec, tu l'as dit tout à l'heure, hein, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux projets qui vont arriver. Tous les projets qui ont fait 2020 et 2021 en VO arrivent là, ça y est, enfin en VF. Ça a pas mal bougé et on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de certaines personnes dont on va nous parler maintenant, du coup, quand on abordera la VO un peu plus tard dans cette émission. On va parler des titres qui vont sans doute faire les têtes d'affiche dans le bilan 2022 en VF. On le sait. Mais avant ça, on va parler des adaptations. Et c'est le moment de Clément, allez, les adaptations. Voilà. Allez Clément, au boulot. Parlons un petit peu de tout le paysage des adaptations. Alors, on va piocher du côté de la télé, du côté du cinéma, hein, pour voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Clairement, du côté des adaptations, tu es assez client de ce que propose Marvel avec son MCU. Et du coup, que ce soit du côté du ciné ou du côté de la télé, tu as trouvé quand même chaussure à ton pied en 2021. Oui, oui, oui. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Marvel. Parce que je note quand même une chose, je l'avais noté encore une fois lors du premier enregistrement, c'est que bye bye CW, sur toutes les séries majeures. Hein, je vais être honnête. Hein, autant, je défendais encore un chouïa, je crois, l'année dernière, des séries comme The Flash. Là, j'ai abandonné. Parce que, en fait, en termes de qualité, de narration, de respect de la mythologie des personnages, c'est juste pas possible, plus possible pardon en termes de qualité, mais néanmoins je redis, parce que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans les podcasts, une série de la CW s'est démarquée du lot et c'est manifestement clairement une exception, c'est la série Superman and Lois. Ça a été une énorme surprise, je pense, pour toutes les personnes qui regardent la CW, moi le premier, Et je m'attendais pas du tout à aimer cette série parce qu'en fait, CW nous a proposé quelque chose de totalement différent, d'ultra qualitatif par rapport à ce que nous faisait la CW. Et on a exploré des choses qu'on n'avait jamais vues sur en termes d'univers d'adaptation, sur la vie parentale de Clark et Lois, sur une exploitation de la mythologie super intéressante avec des vraies surprises. Et en fait, c'est vrai. Le titre de Superman and Lois portait super bien. En réalité, c'est même plus une série sur Clark and Lois, quoi. C'est vraiment. Ça a été une grosse surprise. J'ai pas encore commencé la nouvelle saison, mais apparemment, elle semble être sur les mêmes bases. Donc voilà. Mais ça a été une exception, puisque comme tu l'as dit, j'ai effectivement été servi par Marvel. Par Marvel parce que et Disney Plus du coup parce que là ils ont quand même il faut être honnête ils ont sorti l'artillerie lourde et ça lance encore plus brillamment la phase 4 et on pouvait se demander ce que ça allait donner en termes de série télé parce que c'est vrai c'est ça WandaVision était la première série télé du Marvel hormis Agents of Shield. Je mets Agents of Shield à part parce que finalement on sait pas trop si c'est canon ou pas, j'ai l'impression que c'est plus trop canon. Bah, ça a lancé brillamment la phase 4 et donc on a eu vraiment de très bonnes séries dans leur genre. Après, la série la plus faible reste The Winter Soldier et Falcon, mais c'est pas un hasard, je pense, si c'était pas dans les nommés de mémoire, à confirmer. Je ne crois pas, non, non, ça ne l'était pas. Ouais. Donc c'est pas un hasard, c'est pas que la série était mauvaise, mais elle était bien plus classique dans ce qu'elle proposait, dans ses exécutions, même si elle a proposé des choses franchement intéressantes et ça valait le coup d'œil. Maintenant, ouais, Marvel a frappé un gros coup, notamment avec deux séries, WandaVision, je pense, qui moi m'en a mis plein la tronche. Lors de sa diffusion, il y a bientôt un an d'ailleurs, ça passe vite. Et parce qu'elle a su jouer avec énormément de code, proposer des choses, nous induire aussi en erreur. Je me souviens qu'on a tous été un peu surpris, surpris lors de, je crois, l'épisode 3 de cette saison unique. Mais elle a réussi à rendre hommage à toute la télé américaine et c'était vraiment excellent. Ils ont poussé le truc jusqu'au bout et ce qui n'aurait jamais pu être fait en fait avec le cinéma. Donc, qui démontrait déjà qu'il y avait un réel intérêt à proposer quelque chose. Et puis après, vous avez eu Loki, qui était totalement différent, qui était mais où Tom Hiddleston était génial et qui a amorcé des choses vraiment super intéressantes pour la phase 4. Je spoilerai pas, mais ça va être indispensable. Donc, quand Feige disait en gros que suivre les séries télé allait être indispensable parce que ça allait vraiment lancer la phase 4, effectivement. Donc ça a été une super réussite du point de vue de l'écriture, de la proposition. Et sincèrement, je pensais pas, j'avais des doutes. Je pensais pas forcément être aussi hypé par ce genre de série-là. Et même d'ailleurs, Hawkeye, hein, totalement différent parce que ça brillait pas par l'originalité du scénario, mais ce qui brillait, c'était la relation Kate Bishop, Hawkman, qui est, enfin, moi, j'ai adoré, je sais plus l'actrice qui joue Kate Bishop, mais franchement, j'ai trouvé que c'était génial. Plus également, ça a permis d'apporter à côté. Et un tas d'autres choses, je vais pas spoiler, mais ça promet de très belles choses. Donc, du point de vue de l'ensemble des séries, c'était une super réussite. Maintenant, bon, il y avait What If aussi, que j'ai pas encore vu, mais qui semblait aussi tout à fait intéressant et qui risque d'être manifestement assez important à suivre par rapport au prochain film Doctor Strange. Donc c'est du point de vue général, les séries sont une très bonne réussite du point de vue de Marvel. Maintenant, très difficile de départager, parce que ça se joue, je pense, forcément entre WandaVision et Loki, et c'est assez dur. Mais j'aurais tendance à dire, pour ce qu'elle a réussi à proposer sur l'originalité du traitement du personnage et de la série, dans ce qu'elle a proposé au début, j'aurais tendance à dire que WandaVision pourrait se démarquer, mais en réalité, c'est super dur. À départager ces deux séries-là. Ouais, bah, moi pour le coup ça a été plutôt clair aussi du côté de la télé. Ce qui m'a fait le plus vibrer, oui, c'est enfin chez Marvel en tout cas c'est WandaVision et Loki. Clairement, j'ai bien aimé les autres, mais voilà, Loki and Key saison 2, c'est absolument détestable. J'ai pas aimé du tout cette deuxième saison. Mais il y, y en a un dont tu n'as pas parlé, c'est Invincible sur Amazon. Ah, Amazon ouais. Prime qui, moi, m'a vraiment emballé. En fan du support original, j'étais ravi de voir la fidélité de ton de cette adaptation. Et graphiquement, l'animation est quand même de qualité. Enfin, en tout cas, moi, correspond à ce que je cherche quand je veux voir une série animée. Donc, c'était un petit coup de cœur aussi sur Invincible, clairement. Et puis, du côté du ciné, l'évidence Spider-Man, loin devant tout le reste. Enfin, voilà, No Way Home, pour moi, en termes de ce que ça déclenche d'émotions par rapport à tout ce qu'on ne peut pas spoiler, même si les internets s'en sont bien chargés avant nous. Nous, on ne le fera pas. On ne spoilera pas ce qui est dans Spider-Man pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui auraient par miracle réussi à échapper à tout ça. Mais voilà, pour tout ce que ça déclenche d'émotions, ce Spider-Man No Way Home est quand même assez loin devant tout le reste de la production film, on va dire. Avec tout de même une mention spéciale pour moi à The Eternals, et ce sera tout. Par rapport au vote, du coup, de nos auditeurs et lecteurs, bah, Invincible, en termes de série, c'est ce qui remporte la timbale. Devant le duo Vanda Vision Loki, je pourrais dire Vanda Loki, ça aurait marché aussi. En termes de vote, Invincible, c'est à peu près une trentaine de pourcents, et puis Vanda Vision et Loki sont autour des 20% tous les deux. Donc, pas de surprise là non plus. Et puis Spider-Man No Way Home, qui prend presque la moitié des votes à lui tout seul, qui s'affirme comme le grand gagnant au cinéma. Et ça, tu le partages aussi. Oui, c'est vrai que No Way Home, c'était... Enfin, on ne vit pas beaucoup d'expériences comme ça au ciné, sans dire le contenu. Moi, j'ai rarement vu, même sur une salle cinéma... qui était dans celle où je suis, j'ai rarement vu des personnes applaudir spontanément durant 2, 3, 4 fois dans le film, quoi. Et c'est pas quelque chose que tu vis habituellement au cinéma, hormis si tu vas évidemment à la séance du Grand Rex. Mais là, c'était assez incroyable en termes d'émotion, parce que Marvel a clairement réussi son pari. Et je peux être hyper critique, je pourrais être hyper critique sur l'écriture, sur des aspects du scénario qui, avec le recul, ont pu me gêner. Mais en réalité, c'est tellement accessoire, parce qu'en fait, c'était tellement dingue ce qu'a réussi à proposer Marvel et réussi à faire, qu'on peut pas dire que c'était pas génial et que voilà. Il y avait No Way Home, et puis après, il y avait le reste. Eternals était... J'avais beaucoup aimé Eternals parce que ça tranchait vraiment avec ce qu'on avait l'habitude de voir chez Marvel et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il y a No Way Home et puis ensuite, si hormis Marvel, bah voilà, DC Comics fait fumer par Marvel, même si on peut noter, hein, le Suicide Squad de James Gunn était excellent dans le genre. Enfin, ça a rattrapé le premier, moi j'ai beaucoup aimé. Le début du film était complètement what the fuck, c'est bien, ça se regarde. Après, c'était pas... sensiblement comme No Way Home, et puis après, tu as eu évidemment, et je crois que c'était apparu en cours de vote, j'avais même pas pu penser à le mettre, mais en réalité, j'aurais pu le Justice League de Zack Snyder, mais pour tout ce que ça représente, c'est-à-dire la mobilisation des fans, le fait qu'on a eu la preuve maintenant par A plus B que comment un studio et un réalisateur a pu défoncer la vision de son réalisateur initial, et aussi, si je vous appelle à mon coup de cœur, je dirais Justice League aussi, parce que voilà, moi j'ai eu la version que j'aurais aimé avoir et une version surtout qui respecte la mythologie de DC Comics, qui proposait tellement de choses prometteuses pour la suite. Enfin voilà, moi j'avais adoré, quand bien même le film était peut-être excessivement long, ça avait le mérite de proposer des choses qui étaient ultra, ultra jouissives, hein, pour les fans de DC, notamment le climax de fin. Donc, mais reste que, évidemment, que No Way Home surpasse tout. Hein. Et j'ai envie de dire, preuve par A plus B avec les chiffres du box-office qui sont quand même assez incroyables. Ouais. Surtout en période pandémique. Ouais. Bon, voilà, du coup, pour les adaptations, qu'est-ce qu'on attend en 2022 côté ciné et écran? Moi, j'attends aussi Batman. Ouais. Parce que là, ça y est, il commence à lancer la promo et j'ai écouté les deux premières minutes du thème de Batman et rien qu'écouter le thème de Giacchino, ça me hype. J'ai pas vu le dernier trailer parce que je veux plus voir de nouvelles images, mais J'attends vraiment le film. Je crois que c'est sans doute le film que j'attends le plus. Et pourtant, c'est Batman. C'est quoi, la quatrième itération? Quatrième, cinquième Oh, itération? je les compte plus. Je ne les compte plus. Mais là, quand on voit les images et tout, Matt Smith? Non. Matt Reeves, ouais. Merde. Matt Reeves a l'air vraiment de proposer sa vision et quelque chose, moi, qui m'intrigue. Je l'attends. Et puis après, on va quand même. Du côté de Marvel, on va quand même avoir des choses intéressantes. On va avoir. On a eu No Way Home, donc c'est quand même le gros film attendu. Mais moi, j'attends. Je suis curieux de voir le prochain Thor. Parce qu'on va quand même avoir la première itération de James Foster version Thor. Donc là, je suis assez curieux de voir comment ils vont traiter ça. Et puis ensuite, ouais, sur le cinéma, c'est vraiment les deux films qui me viennent à l'esprit. Puis les séries, la Moon Knight, sont dévoilables en amont, ça s'annonce assez intéressant par rapport à ce que va nous proposer. Donc, voilà. Et puis là, c'est moi, j'attends la saison 3 de The Boys. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait The Boys qui j'adore la série. Enfin, ils prennent totalement le feeling du comic book. Et j'attends, puisqu'on va quand même avoir l'adaptation d'un arc culte. Et je suis très, très, très, très curieux de voir comment ils vont réussir à nous adapter Érogasme. Parce que Oui, je j'attends de sais voir. que ça, c'est ton. Non, non, mais C'est le parce que, moment que tu enfin. attends. Ouais, non, mais parce que, objectivement, enfin, je veux dire, quand tu vois le comics, ce qu'ils ont fait, tu te dis, mais s'ils font le. S'ils arrivent déjà à faire le tiers de ce qu'il y a dans le comics, ça va quand même aller déjà très loin par rapport à ce qu'on voit habituellement. Donc, je suis assez curieux, mais moi, en tout cas, la sortie que j'attends le plus reste du Batman, parce qu'après, sincèrement, je pourrais évoquer The Flash, mais j'ai assez peur par rapport à ce qui a pu être annoncé sur les incidences possibles. Ouais, The Batman, c'est vraiment le film qui me hype le plus. Sans compter qu'on annonce quand même une durée record. Hein, on serait dans le tour entre 2h45 et 2h40 et 2h55. C'est énorme. Donc, je suis assez curieux de voir, ouais, ce que ça va Ouais. donner. À suivre du coup en 2022 pour le cinéma. Allez, on va passer à la VO maintenant. VO, une année ultra stimulante de tous les côtés, j'ai envie de dire, pour ma part, sauf du côté de Marvel, qui ne m'a pas fait vibrer une seconde cette année, à part sur la fin du run de Venom par Donny Cates avec son King in Black. Pour le reste, le Daredevil de Zdarsky, et ce sera bientôt pour moi chez Marvel, qui est le parent pauvre de cette année, et Boris, je pense pas que ce soit toi qui vas me contredire. Non, c'est à peu près ce qui reste. Et oui, le Daredevil, et encore, ça, c'est la qualité a baissé un peu quand même. Hein. Sympathique, désormais sympathique, mais pas exceptionnel. Même si j'ai rattrapé le premier épisode de Devil's Reign et c'est quand même bien fichu et assez dense. Ça donne envie. Pour le Venom, bah pareil. Mais moi, j'ai un peu aussi décroché parce que les gros events là, ça me gave un peu. Donc j'aimais beaucoup plus l'esprit du début de la série. Et puis après, effectivement, pas grand-chose d'hyper excitant. Et là, enfin voilà, j'ai un peu décroché au niveau de Marvel. Pour DC, moi, à part Nightwing, que je suis avec du retard, c'est la seule chose que j'ai suivie en VO. Même si là, en VF, j'ai rattrapé le Infinite Frontier dont j'ai parlé récemment, qui est franchement très prometteur, mais bon, dont l'impact est à mesurer. À l'avenir, on verra. Mais c'est vrai que pour les deux éditeurs de super-héros, c'est pour de mon côté, c'était pas une grosse année. Non, c'est vraiment l'indépendant qui a pris majoritairement mon temps de lecture VO. Oui, moi c'est exactement la même chose. L'indépendant a pris une part dans mes lectures assez forte, même si je continue malgré tout à suivre un peu ce qui se passe chez DC parce que chez DC on trouve des gens comme Tom Taylor qui nous propose à chaque fois des pépites, que ce soit son Nightwing, son Superman Son of Kal-El, ou même son qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment, Dark Knights of Steel. Oui, Ou si on remonte un peu dans le temps, son Hellblazer Rise and Fall. Enfin voilà, à chaque fois que Tom Taylor signe quelque chose chez DC, pour moi c'est un coup de cœur. Donc je vais le suivre aveuglément, tout comme je vais suivre aveuglément ce que fait Joshua Williamson. Son Robin est cool, Justice League Incarnate, et puis enfin précédé de Infinite Frontier, c'était une explosion totale de cerveau. Enfin voilà, chez DC, il reste quand même ces quelques noms qui font que voilà, je reste accroché à l'univers, mais pour le reste, oui, c'est que de l'indé quasiment. Et toi, Clément ? Même constat. Alors, le seul truc que je lis de Marvel, mais en réalité, on peut dire que c'est vraiment l'univers Marvel, c'est Star Wars, High Republic, parce que voilà, c'est mon petit plaisir coupable, parce que j'avais envie de suivre pour la première fois l'univers étendu Star Wars avec une toute nouvelle époque, et c'est plutôt sympa, mais c'est vraiment l'exception, parce que sinon ça fait bien des années que je ne lis pas Marvel, et en fait sinon hormis ça, parce qu'en plus la particularité vraiment de la Haute République, c'est qu'en fait c'est du cross-média, donc je lis à la fois les comics mais aussi les romans, enfin tout est lié, et pour le coup c'est bien fichu même au niveau des comics, donc c'est assez sympa de ce point de vue-là. Maintenant, je suis comme vous, DC Comics je lis un peu, j'avais lu Infinite Frontier, je suis sur Nightwing, j'ai commencé Dark Knight of Steel, non c'est ça ? Non, oui, Night of Steel. Dark Knight of Steel, oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé, enfin, ça change vraiment, c'est une réinterprétation de l'univers DC Comics, c'est super original et moi qui m'a plu, parce que c'est franchement, il y a une parti pris hyper surprenant, donc moi j'adore. Et puis après, bah, Nightwing, bah, Batman, parce que voilà, j'attends, il faut que je lise Batman, il y a quelques titillés là, mais en réalité, je suis comme vous, même si je suis obligé de me limiter aussi en termes de budget, c'est que de l'indépendant, donc je suis surtout du côté d'Image. Il y a quand même pas mal de séries que je suis qui sont chez Image, mais moi c'est comme vous, l'indépendant, déjà parce qu'en termes de rapport qualité-prix, il y a pas mieux, et puis parce que tout simplement, l'indépendant de manière générale nous propose beaucoup plus de choses intéressantes que chez les comics mainstream. Je prends l'exemple de Marvel. Moi, je suis toujours aussi effaré de voir que Marvel se contente de recycler des concepts, des pseudo-événements qui en fait ont déjà existé il y a X années, voire X décennies. Il y a plus de renouvellement réellement chez les comics, chez les maisons mainstream. Je trouve que c'est un peu moins le cas chez DC Comics, ils essayent de tenter des choses, mais Marvel, c'est assez criant de... Alors, j'allais dire de nullité, on va peut-être pas aller à ce point, mais en tout cas de non-originalité. Ouais. Eh bien, je suis bien d'accord. Si on devait retenir des séries, peut-être du côté de l'AVO, ce serait quoi pour toi, Clément ? Crossover. Oui. Forcément, ça a été une claque. Geiger. Mm-hmm. Parce que aussi, c'était une claque, et pour moi, ils sont dans... C'est une série là qui sont dans mon top 3. Petit coup de cœur, plaisir. Parce que c'est tout un univers. Et évidemment, je n'ai cessé de faire le ici. La fin d'Ascender. Mm-hmm. Parce que voilà, c'est une saga qui se clôt. J'englobe Descender et Ascender ensemble. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la même histoire. Ensuite, ces séries-là, quoi d'autre ? On a eu aussi la suite de l'univers de White Knight de Sean Murphy, là qui était du côté Harley Quinn, et c'était franchement, moi c'était très sympa. Là, je suis toujours super friand de ce que propose Sean Murphy par rapport à ça. Et après, alors en indé, j'oublie peut-être des choses. Bon, forcément, on a aussi, même si je suis complètement à la bourre, j'attends le numéro Facebook, parce que les deux premiers, ça a été un coup de cœur monstrueux. Du Lémire de tout ce que j'aime, Primordial aussi, qui est excellent aussi. Et puis après, du côté de comics, bah ouais, il y aurait deux trois titres, il y aurait je ne lis pas Son of Kal-El, j'ai honte de ne pas lire cette série, mais Nightwing, parce que franchement c'est ultra kiffant à lire. Nightwing, le Batman, qui même si c'était la fin de l'arc de Tannin Fort, il était pas ouf, ça se lisait quand même, mais Nightwing quand même supérieur, et puis il y a eu Infinite Frontier nécessairement. Mais en réalité, pas tant de titres de DC que ça. Après, je sais qu'il y a d'autres titres sans doute qui seraient dans le lot, mais que je ne peux pas lire non plus, que ce soit Department of Souls ou l'autre titre de Nine House, c'est ça. J'ai un trou de mémoire. Nice House on the Lake. Ouais, manifestement. Non, non, mais voilà, c'est à peu près pour mon top. Mais en réalité, c'est quand même l'un des qui surpasse tout. Et toi, Boris, tes séries coup de cœur? Alors, bon, il y a tellement de choses que je lis que bon, il est difficile de faire un tri, mais il y a quand même des séries ou mini-séries. On va faire Oui. les deux en même temps qui se démarquent. Bien sûr, toujours, encore et toujours, Ice Cream Man, la série incontournable, faite d'épisodes anthologiques indépendants qui sont à chaque fois des coups de cœur, des surprises assez incroyables. Donc vraiment, cette série est vraiment géniale. Crossover, comme on a parlé Clément, qui est aussi particulièrement folle avec des idées assez dingues de la part de Donny Cates, qui rapatrie plein de références comics dans ses épisodes et qui, en parallèle, mène une intrigue policière, on va dire, entre guillemets, assez efficace. Ultra Mega aussi, qui pour l'instant est en pause, mais qui, sur ses quatre, je crois, premiers épisodes, a quand même été une claque graphique et scénaristique avec une proposition vraiment originale de James Harren. Et puis dans les mini-séries, Autonal, on en a déjà parlé, hein, ça s'est terminé en juin 2021, donc évidemment un coup de cœur. La série de Ram V, Mini Death of the Star, qu'il a avec Felipe Andrade au dessin, nous a livré cinq épisodes de poésie et de magie complète. La mini-série Eve, ou Yves, qu'il a l'appareil du haut scénariste partie graphique. Alors, je me souviens plus des noms du dessinateur, mais c'est pas très grave. Là, c'est aussi un vrai coup de cœur, une vraie surprise, parce que c'est pas une série que j'avais prévu de lire et j'ai découvert par hasard. Et vraiment un attachement à ce personnage principal et puis à son ours androïde complètement fou. Et puis une partie graphique, pour un récit post-apocalyptique, une partie graphique qui tranche complètement avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis aussi The Nice House on the Lake, qui pour sa première partie de 6 épisodes a été assez impressionnante. Hein. Pour moi, c'est ce que James Stanford a fait de mieux, certainement, en termes d'écriture, de cliffhanger, de surprise. Et puis Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair, à la partie graphique, n'en parle pas, c'est sublime. Et puis Mes Books, que j'attends de finir, mais bon, a priori, c'est du tout bon. Les trois premiers étaient excellents, du grand Jeff Lemire, donc il en reste deux. Mais je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que c'était aussi bon. Donc, Ouais, ton petit doigt donc fait voilà, pas. les. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, en gros, les séries et mini-séries qui m'ont marqué essentiellement cette année. Ouais, je vais pas être très original. Hein. Crossover, département of... Enfin, crossover, oui, clairement. Department of Truth, j'ai trop de retard, donc je le mets à part, mais je ne doute pas de la qualité. Ice Cream Man, et je mettrai AA juste avec, parce que on a eu droit à ça aussi, et qui a quand même particulièrement bien fonctionné. Oui, donc pour moi, oui, si je vais prendre des séries régulières, enfin, mon trio, c'est clairement Crossover, Radiant Black, puisque je suis totalement en amour de cette série et de l'univers que crée Kyle Higgins autour de Radiant Black, qui est un cocktail parfaitement équilibré entre l'action, le développement des personnages et de l'univers, la touche d'émotion qu'il faut et la petite folie créative. Voilà, c'est totalement ma came. Et puis bah, évidemment, les séries Tom Taylor, je l'ai dit, hein, chez DC, Nightwing et Superman Son of Kal-El en tête. Et puis en mini-série, oui, Nice House on the Lake, évidemment. Enfin, c'est une évidence. Je ne reciterai pas le Eve que tu as cité, parce que là aussi, c'était coup de cœur instantané pour cette petite gamine et son ours. The Me You Love in the Dark, non, parce que la fin m'a déçu. Enfin, mais trop simple, trop facile. Donc, je ne peux pas se mettre sur un bilan de fin d'année, enfin, sur un podium. Mais oui, The Many Deaths of Lady Star aussi. Mais aussi Mace Book, mais aussi Infinite Frontier, enfin tout quoi, les mini-séries cette année, je crois qu'il n'y a pas beaucoup à jeter. Hein. C'était peut-être l'année des mini-séries. Oui, bah, je crois qu'aussi pas mal d'éditeurs préfèrent des mini-séries, pas prendre trop de risques, on ne sait pas trop ce que ça donne. On le voit aussi chez Marvel ou DC, hein, il y a beaucoup beaucoup de projets qui sont des mini-séries. On voit ce que ça donne. On ne sait pas trop, notamment avec la pandémie ou la pénurie de matières premières, ce que ça peut donner sur le long terme. Donc, je pense que la prise de risque est minime. Mais pour le lecteur aussi, ça permet aussi de se lancer en se disant c'est 4, 5, 6 épisodes maxi, si jamais on n'est pas obligé de se lancer pour 30 ou 40 épisodes, même si ça fait bien longtemps que ça n'existe plus ou presque plus. Ça devient rare et je crois que ça va devenir encore plus rare avec le développement des mini-séries et on en parlera un petit peu après des graphic novels. Ouais, on a quelques séries qui font un peu office d'ovni par rapport à tout ça. On a Oblivion Song qui va tranquillement arriver à son 40e numéro. Qu'est-ce qu'on a? Once and Future chez Boom qui arrive à son 30e numéro tranquillement là aussi. Mais à part, enfin voilà, Ice Cream Man, mine de rien, hein, 30 numéros bientôt. Mais la mode n'est pas sur les séries n'est pas trop sur les séries au long cours. Alors s'il y en a Tortue Ninja 125, bon. Oui, non, mais il y a quelques-uns, mais quelques petits trucs comme ça. Ça reste. C'est la marge. À la marge. En termes de vote par rapport à nos lecteurs et auditeurs, évidemment, j'ai envie de dire, ils ont placé Crossover en tête pour les séries régulières. Leur série régulière préférée, c'est Crossover. Avec Department of Truth qui se glisse sur une jolie deuxième place et qui confirme son bon démarrage de l'année dernière, hein, puisque Department of Truth l'année dernière, si je ne me rappelle bien, c'était la série préférée. C'est celle qui avait été première. Et puis pour compléter le podium, on aurait trois titres qui se partageraient la troisième place avec Ice Cream Man, Radiant Black et Nightwing. Donc bah moi, un groupe de tête qui me plaît particulièrement. Je valide totalement ce groupe. Et puis pour les séries limitées, donc les mini ou maxi-séries, on a Nice House on the Lake très loin devant. C'est le carton d'Ice House on the Lake pour tout le monde, en termes de nouveautés, de mini-séries, tout éditeur confondu. Et on en reparlera sans doute plus tard encore de cette série. Et puis Many Deaths of Layla Starr, en deuxième place, et Autonal, qui termine le podium. Donc voilà, là aussi, trois choses très très solides. Et un bien beau podium. Ce sont des gens de bon goût, finalement, qui votent. Tout à fait. À peine peut-être aiguillés par nos recommandations, puisque, effectivement, on le disait dans le premier enregistrement, on a aussi les auditeurs et les lecteurs qu'on mérite, hein, c'est-à-dire qu'on met en avant certaines séries, on va chercher certains titres, etc., et on les conseille, etc. Et du coup, bah forcément, les gens qui vont venir nous suivre sont des gens qui sont sensibles à ce paysage un peu de comics plus indé que Marvel et DC qu'on traite finalement assez peu. Et du coup, ça se ressent aussi dans les votes. Oui, bah oui. C'est une évidence, oui. Mais bon. Et puis les choix sont les choix sont quand même un peu les mêmes que les nôtres. Donc, oui, finalement. Si, oui, voilà. Finalement. Oui, parce qu'on laisse quand même la porte ouverte à certaines séries Marvel et DC. Mmh. On avait du Beta Rebuild, du Infinite Frontier, du Venom dans les propositions et autres. Hein. Et finalement, oui, c'est quand même les titres indés qui s'en sortent. Et c'est encore le cas sur les singles One Shot ou Graphic Novel, qui sont la troisième catégorie VO, grosse catégorie VO. Alors, je vais spoiler pour les auditeurs le résultat avant que nous, on fasse notre bilan de cette partie-là. Mais voilà, le Graphic Novel se porte bien, puisque c'est Reckless et Monsters qui remportent la première place de cette catégorie, largement devant les autres. Ils prennent chacun un quart des votes, quasiment. Et puis, on a en troisième place Radiant Black numéro 4, et moi, ce numéro qui avait été un vrai coup de cœur, et je comprends qu'il soit... Enfin, je comprends qu'il soit aussi haut dans les votes, même si je ne m'y attendais pas forcément. Donc voilà, pour le trio de tête de ce qui concerne les singles, one-shot ou graphic novel, moi, évidemment, Radiant Black numéro 4... est très haut dans mon cœur, tout comme tous les numéros de crossover sortis cette année, et Better Place, graphic novel surprise pour moi, et coup de cœur surprise pour Better Place en toute fin d'année, chez IDW Top Chef, autour du deuil chez les enfants, et de ce qu'on raconte aux enfants quand ils sont confrontés à la mort d'un être cher, ce qu'on leur raconte pour leur faire comprendre la notion de mort et les conséquences que ça peut avoir, toutes ces choses un peu imagées, qu'on peut leur dire, et c'était un vrai coup de cœur, moi, ce graphic novel. Je continuerai à le défendre, celui-ci. Et vous, du coup, du côté, toi, je sais que le Boris, que graphic novel, les deux qui sont en tête, ça te ravit. Oui, c'était dans mon trio que j'avais sélectionné. Monsters, alors moi je l'ai lu en VF, mais effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment un titre absolument impressionnant par son ambition, sa densité, sa partie graphique noir et blanc, mais qui varie beaucoup les genres, les styles. Et franchement, Barry Windsor Smith a réalisé un gros coup avec ce graphic novel. Les Reckless, évidemment. Alors, on en est à trois, là. Moi, j'ai tout lu. Hein. Je suis un fan de Brubaker Phillips, mais je trouve que la proposition de faire des graphic novels sur le même personnage, dans le même univers, avec des intrigues autocontenues dans chaque épisode, ça fonctionne super bien et ça pourrait faire une belle saga sur le long terme, puisqu'au départ, ils étaient partis pour une trilogie. Là, on a cinq de prévus, je crois, pour l'instant. Et je pense que si ça tourne, ils vont peut-être continuer encore. Et moi, j'aime vraiment cette série de graphic novels. Et puis, j'avais mis un petit coup de cœur perso, statique, de Matt Lesniewski. Un auteur pas trop connu, mais vraiment un graphic novel graphiquement impressionnant aussi. C'est quelqu'un qui a un trait vraiment original. Et puis, un propos voilà, dans ses titres qui est vraiment intéressant. Donc moi c'était mon troisième petit coup de cœur et j'en ai parlé à l'écrit, j'ai interviewé l'auteur et je vous propose conseil d'aller voir un peu ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose de différent. Voilà. J'ai pas mis de single, j'avais zappé qu'il y avait les singles devant. Mais effectivement, le Radiant Black 4, c'est l'épisode qui m'a redonné envie de lire Radiant Black parce que j'avais été totalement, j'étais totalement passé à côté des trois premiers. J'avais même arrêté. Et puis, quand tu m'avais dit le 4, faut y aller, ça relance tout, j'y étais effectivement. Et puis après, j'ai pris le TP. À la lecture en TP, j'ai pas été beaucoup plus convaincu par les débuts, mais à partir du 4, effectivement, ça décolle bien et je vais suivre la série, soit en TP, soit en VF quand ça sortira, je sais pas. Mais ça a été effectivement un épisode clé. Ouais. Et toi, Clément ? Joker sur cette partie, à part peut-être les numéros de crossover 6, 7 et compagnie. Ah oui, non, pardon, oui, sur les one-shots, excusez-moi, j'avais bugué. Je croyais que c'était que les graphiques novels. Oui, non, il y avait évidemment les crossovers. Et alors, c'est super compliqué de mettre les numéros. Parce qu'en vrai, il y a tellement eu là sur les derniers numéros des claques, même le 10, même le 6, je crois. Moi, il y en a. Ouais, ça a été assez. Ça a été des véritables claques sur crossover en one-shot. Après, le reste, je sais pas. Hormis crossover, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu vraiment un one shot qui m'a foutu une réelle claque, quoi. Pas autant que crossover, parce que je crois que je l'avais déjà parlé dans la première version qu'on enregistrait, mais je me souviens que j'avais été un moment à la bourre sur crossover et dans l'équipe d'Arendan, vous étiez plusieurs à les avoir déjà lus et vous m'aviez dit attention, prépare-toi. Et je me souviens que Mathieu a dit attention, éruption de je sais pas, de cri de Clément ou quoi sur un numéro de crossover. Et ouais, j'ai souvenir d'un numéro de crossover où on n'a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de lecture de comics. Ils m'ont fait gueuler en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le Donny Cates. Et crossover par rapport à ça était assez dingue en termes d'expérience de lecture. Donc là, comme ça, je mettrais le crossover, mais en réalité, je sais pas trop. Sur cette catégorie-là, je ne sais pas trop. Ok. Il nous reste à parler des éditeurs et surtout des personnes qui font nos comics préférés. En termes d'éditeurs, je vais vous demander rapidement votre ressenti. On l'a déjà quand même bien évoqué. Hein. On sait que Marvel et DC ne nous font pas forcément rêver, donc ce n'est pas les éditeurs qu'on va retenir. On est plutôt du côté des indés, a priori tous les trois. Moi, j'ai mon petit trio de tête avec Boom, Aftershock et Image. C'est mes trois éditeurs vraiment chez lesquels je vais le plus tester de nouveautés. Clairement, Boom et Aftershock, je lis presque tous leurs numéros 1 et Image, j'en lis un paquet. Et au final, ils arrivent à me fidéliser assez facilement sur la plupart de leurs projets. Donc moi, c'est vraiment ces trois-là que je garde sans aucune difficulté. Et toi, Clément ? Attends, désolé, j'ai pas écouté. Les éditeurs VO. Ah, c'est très bien. T'étais au fond de la classe, près du radiateur, toi. Hein. Ouais, bah, je te jure. Non. Celui-là, il est irrécupérable. La mère me parlait, donc du coup, c'était important. sur les éditeurs VO, Ouais, enfin, Image. Parce que je crois que c'est vraiment Image qui me lit. J'entendais que tu disais que les premiers numéros d'Image permettent de fidéliser, c'est ça? Ouais, De Boom. Boom, Aftershock et Image, je lis presque tout leur numéro 1 et il me fidélise assez facilement, oui. Ouais. Non, non, ouais, carrément. Bah, moi, c'est Image, parce que voilà, encore une fois, les séries que je lis sont chez Image. Et puis, je crois que je lis un tout petit peu de Dark Horse, mais ça a été, je crois, une des rares exceptions, ça a dû être pour Macebook, je crois. Et après, ouais, Image, parce qu'après, même pas besoin de préciser, Marvel. Et puis DC Comics, parce qu'ils tentent des choses, mais c'est vraiment les indés, quoi, qui sortent du lot, vraiment dans tout ce qu'ils proposent, dans tout ce qu'ils font, même en termes de prix. Parce qu'en termes de tarifs sur certaines gammes, je pense par exemple aussi, c'est accessoire, mais sur les Compendium. Donc là, je crois que c'est Image surtout. Enfin, après, c'est un format très particulier, mais en termes de rapport nombre de pages prix, ça, c'est quand même assez agressif par rapport à ce que peuvent nous proposer d'autres éditeurs. Ouais, j'ai la même analyse que toi. C'est que moi, Image arrive à me happer, même si je me contrôle, encore une fois, du point de vue de mon budget, mais ils arrivent à me happer sur des titres indés, surtout qu'en fait, ils ont les noms. Et quand il y a des noms, tu sais quasiment que c'est des valeurs sûres et ça fonctionne. Ouais. Et toi, du coup, Boris, tes éditeurs favoris? J'aurais presque le même trio que toi, à part que Aftershock, c'est vrai que je sais pas un éditeur chez qui je vais spontanément. Moi, ce serait plutôt Volt à la place. Un éditeur dont on entend de plus en plus parler, qui arrive de C'est plus en vrai. plus en VF aussi, notamment grâce à iComics, et qui a des propositions régulièrement très, très sympathiques, voire excellentes. Comme Autonal, évidemment, et puis là récemment The Rush par exemple de Cy Spurrier. Voilà, donc Boom évidemment, et puis Image pour des séries un peu avec des auteurs un peu maison, on va dire, qui reviennent depuis quelques mois. Donc voilà, c'est les trois éditeurs qui me séduisent. Oui, et puis c'est les trois éditeurs qui séduisent tout le monde de toute façon. Image est loin en tête, Boom est en deuxième dans les votes. Voilà, Image, c'est plus 35%, Boom, c'est presque 28%. Et puis derrière, voilà, ça se partage le reste entre Volt, Aftershock et DC quand même, qui reste quand même assez présent, mine de rien, dans le cœur de nos lecteurs et auditeurs, même s'ils doivent se contenter d'une piteuse troisième place partagée. On est loin de l'âge d'or de DC. Mais voilà, oui, Image et Boom se détache assez facilement et c'est ma foi logique quand on voit ce qu'on lit et ce dont on parle et quels sont nos coups de cœur. Il n'y a pas de surprise. Parlons maintenant des personnes qui créent nos comics pour terminer avec les coloristes tout d'abord parce que on ne parle pas assez des coloristes. On les met plutôt en avant, nous, avec notamment pas mal d'interviews que tu as pu faire, toi, Boris, que ce soit cette année ou en 2020, il y a eu quelques coloristes qui sont passés par là. Et c'est vrai que c'est quelque chose. À quoi tu es assez sensible. Oui. Donc ouais, je te c'est vrai que prendre la parole peut-être en premier sur ça. Ouais, c'est vrai que moi je ça compte pas mal quand même la couleur. Je trouve que le coloriste a un impact important sur la partie graphique de façon à bien mettre en valeur le dessin du dessinateur, ne pas l'étouffer. Je pense qu'un coloriste peut très facilement gâcher une belle planche de dessinateur. Comme il peut aussi la sublimer. Donc, moi, c'est vraiment une catégorie qui me tient à cœur. Et c'est vrai que j'ai plaisir à interviewer des coloristes, même si c'est pas forcément les artistes les plus faciles à questionner, on va dire. Je suis pas un spécialiste, donc pas toujours forcément le bon angle pour leur poser des questions. Mais bon, c'est toujours intéressant. Et en général, ils sont tout à fait disponibles et volontaires pour bien répondre à mes piteuses questions. Donc, moi, mes deux. Tu es dur avec toi-même. Oh, il faut bien un peu. Alors, donc mes deux coloristes phares de cette année. D'abord Jason Wardy sur The Autonal notamment. Il fait plein d'autres trucs, mais je lis pas tout sur quoi il travaille. Mais sur The Autonal, ça a été vraiment une grande partie du plaisir de lecture, hein, avec ses teintes rousses, on va dire. Et ce parti pris horrifique qui amène certaines planches à être quasi des tableaux un peu surréalistes. C'était assez fantastique. Et puis le deuxième, c'est Jean-François Beaulieu, Donc je suis assez fan sur ses travaux avec Jorge Corona et Scotty Young, donc Middle West, il y a maintenant un peu plus d'un an. Et la dernière mini-série, là, The Me You Love in the Dark, qui était vraiment graphiquement sublime, vraiment impressionnant. Donc voilà mes deux coups de cœur. Alors on parlait d'interview, donc Jason Wardy, il y a une interview sur le site, et Jean-François Beaulieu. Tout dépend de la diffusion de ce podcast, mais elle va être ou elle sera en ligne très prochaine. C'est la même chose, ça. Elle va être ou elle sera. Ou elle est en ligne déjà sur le site. Ouais. Voilà. Ok, ok. Moi, je suis assez sensible aux couleurs de Deacon Knife, je dois avouer, sur Crossover notamment. Jean-François Beaulieu, parce que c'est le trio, là, je complète tout à fait ce que tu dis. Jordi Belair, parce que c'est Jordi Belair et que c'est une légende de la couleur pour moi. Et je rajouterais quand même au nom que tu as dit, du coup, donc Deacon Knife pour Crossover entre autres, et Adriano Lucas pour Nightwing. C'est deux coloristes que j'apprécie particulièrement. Je sais pas toi, Clément, si tu avais des noms dans cette catégorie. Oui, c'est en fait ça rejoint les noms, hein, parce que déjà Crossover, parce que le travail qui est fait au niveau de la couleur est assez dingue, hein, parce que quand même réussir à faire apparaître du point de vue du jeu des couleurs où il y a des personnages entre guillemets vrais et des personnages de comics, c'est hyper ingénieux et c'est super bien foutu. Et puis pareil, la couleur, alors j'ai plus les noms en tête, mais je vais parler en termes de titre, mais comme ça a été dit, on va savoir de qui on parle, sur Nightwing, parce que la couleur de Nightwing permet à la fois de donner quelque chose qui est assez chaleureux, joyeux, chaleureux, positif, et quelque chose qui permet aussi d'alimenter peut-être le caractère, disons, urbain du titre, et c'est super bien foutu. Mais ce qui démontre encore une fois que la couleur et que le travail du coloriste est fondamental, et que sans coloriste, on ne peut pas avoir la même impression. J'avais pris le travail sur Batman avec le dessin de Jiménez. Ça aurait clairement pas été la même chose si on avait une autre forme de, un autre travail d'un autre coloriste. C'est fondamental, mais c'est les deux titres qui me viennent à l'esprit. Après, sur un tout autre style, j'aurais pu prendre aussi, mais là je crois que c'est fait, les deux sont faits, j'ai un gros doute. Si tu prenais par exemple tout le travail qui était fait sur Descender, Ascender, avec le travail d'Anne Nguyen, là, c'est aussi la preuve que le travail du coloriste, il est encore plus fondamental, quoi. Parce que tu donnes une dimension aquarelle à ce travail-là. Donc, mais les deux noms que tu as dit là en dernier sont bien. Et puis Beaulieu, j'ai envie de dire, c'est un must, c'est un incontournable. Ouais, Nguyen se colorise lui-même. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, pour les coloristes, sans grande surprise, c'est Jordi Belair qui a remporté la timbale des votes. Vous le saviez déjà, les auditeurs le découvrent du coup, c'est Jordi Belair avec un quart des voix qui est la coloriste de référence, en tout cas pour 2021, de nos auditeurs et lecteurs, avec tout de même de belles deuxième place de Jean-François Beaulieu, et puis Jason Wardy, Jacob Phillips et Deacon Knife qui se partagent à très peu de choses près la troisième place. Donc voilà pour les coloristes qui méritent d'être mis en avant, et c'est bien qu'on en parle. Ceux qui sont responsables de notre premier contact avec un comics, c'est les cover artists. Et Dieu sait que certains, dont on ne fait pas forcément partie, vont collectionner des singles pour avoir les couvertures de leurs cover artistes préférés, sans forcément même les lire d'ailleurs. Et du coup, le cover artist est une personne qui joue un rôle très, très important, qui peut déjà presque créer déjà l'envie d'achat, et puis presque initier un coup de cœur avec une belle couverture qui nous plonge déjà dans quelque chose. On peut déjà se mettre dans de bonnes dispositions pour la lecture. Et pour moi, il y en a un qui est loin devant tout le monde à ce petit jeu-là. C'est Martin Simmons, puisque j'achète quasiment toutes les variantes cover que fait Martin Simmons sur les séries indées, que ce soit chez Boom, Image ou compagnie. Il devient très en vogue en termes de cover. Et dès que je vois son nom, quasiment, c'est plutôt sa cover à lui que je vais choisir, plutôt que celle d'un autre. Et là où il pourrait y avoir hésitation, c'est si Dan Mora faisait la couverture aussi du même numéro, où là, il y aurait combat dans ma tête, parce que pour moi, Dan Mora fait aussi des couvertures absolument, absolument formidables. Mais j'aurais pu en citer d'autres, je vais vous laisser citer d'autres noms, et je verrai si j'en mentionne un ou deux autres. Boris, alors c'est pas forcément, toi, t'es pas forcément public des covers et des variantes covers, mais est-ce que tu as quand même quelques noms? Ouais, je vais pas aller prendre une variante cover pour sur une série que je suis. Je prends la couverture classique. C'est pas quelque chose que je recherche, mais parmi les que j'avais noté les auteurs, les dessinateurs, pardon, qui font des covers, j'aurais cité Caspar Vingegaard sur Homesick Pilot parce que je trouve que aussi bien dans la partie, enfin dans les intérieurs, que sur les covers, il fait un boulot assez impressionnant. Elles sont super super jolies, ces covers. Donc voilà, c'est le petit nom que je sors, mais comme je suis assez peu friand, on va dire, de cette catégorie, je n'irai pas plus loin. Et toi, ton cover artiste, Clément? J'ai pas de nom en particulier, parce qu'en réalité, moi, je me base à la fois sur ce que je vois des fois sur les previews. Bon, après, je pense forcément il y a du Libero, hein, qui reste une valeur sûre. Après, j'ai pas les noms en tête. Je sais que j'avais pu acheter quelques variantes, mais généralement, j'en achète pas parce qu'en termes de prix, c'est quand même, ça peut te faire grimper une facture assez facilement, mine de rien. Mais je sais que j'avais pris quelques variantes sur Urban Legends. Mais alors, j'ai souvenir d'une cover super belle avec Red Hood. Mais alors, je suis incapable de dire le nom. Et puis là, de mémoire, j'aurais du mal. Je suis incapable de dire. Ça va vraiment dépendre des. En fait, ça dépend vraiment de ce que je vois. Il y a des covers, moi, qui. C'est à l'affect, hein. C'est pas forcément mon nom. Moi, il y a des variantes covers qui vont me plaire. Mais c'est pas forcément le. Je vais pas forcément m'intéresser au nom de l'artiste cover. Comme il y a même, effectivement, tu sais très bien qu'il y a des artistes covers qui reviennent sans arrêt. Je sais que pendant un moment, j'adorais les covers, par exemple, de. Mais c'est une valeur sûre, de Jane Bertel. C'est ça, Jane? Oui. Qui faisait des covers de assez dingue. Après, ça dépend vraiment. En fait, ça dépend vraiment. Mais des fois, il y a tellement des dingueries en termes de variant cover que c'est difficile de résister. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Quant à nos auditeurs et lecteurs, c'est Martin Simmons qu'ils ont plébiscité, à ma grande surprise. Je m'attendais à voir un Liber Mero et Andrea Sorrentino triompher dans cette catégorie. Et ben non, c'est Martin Simmons. C'est Martin Simmons qui est. Martin Simmons, c'est donc le préféré de nos lecteurs et auditeurs sur 2021. Et ma foi, moi, ça me plaît bien. Et puis après, ce serait difficile de donner un nom pour une deuxième place, puisque que ce soit Liber Mero, Bruno Redondo pour Nightwing, Dan Mora, Andrea Sorrentino sont vraiment dans un mouchoir de poche, les quatre. Compliqué de les départager, donc on a Martin Simmons devant et puis tous ces autres noms derrière, voilà, pour ce qui est cover, les covers artistes. Et puis maintenant on va terminer par les deux catégories reines, on va dire, le scénariste et l'artiste de l'année, et là l'un et l'autre sont souvent liés, donc j'ai presque envie qu'on les aborde les deux en même temps, parce que on va s'apercevoir cette année, plus que les autres années peut-être, que ce sont des duos qui nous ont fait vibrer. Qu'en dites-vous? Peut-être Clément pour commencer. Oui, complètement. C'est des duos, c'est ce qu'on disait. Enfin, généralement, la couleur est indissociable du dessin. Mais alors, généralement, les titres qui fonctionnent, c'est l'auteur qui est indissociable du scénariste. Et alors là, clairement, t'as beau avoir un super scénario, si t'as pas le dessin qui suit, toute l'ambiance du titre qui est... apporté par le dessin, ce serait clairement pas la même chose. Donc c'est super dur. Tu prends crossover, c'est ce qu'on disait, le travail qui est fait au niveau du dessin et de la couleur, ça rend le titre génial. Tu prends par exemple ce qu'a pu faire Jeff Lemire Sorrentino sur Primordial, aller sur Ascender même si c'est pas nommé. Là encore, ça joue énormément. Tu peux prendre aussi Geiger, t'as le Steel Job Jones et Gary Frank. Qui là aussi va parfaitement au titre. C'est super dur, quoi, de distinguer l'un et l'autre. C'est franchement, c'est compliqué. Et bon, et t'as évidemment The Department of Souls aussi. C'est compliqué. Là, je suis incapable de dire quels sont s'il y aurait un duo qui ressortirait, parce qu'en réalité cette année, ça a quand même été assez. Assez fou du point de vue des titres qui se sont démarqués, mais aussi des duos qui se sont démarqués. Ça a tellement été bon dans leurs titres et domaines respectifs que c'est très compliqué de voir qui se démarque ou pas. Et toi, Boris, tu suis cette remarque que je fais que bah souvent, en fait, c'est des duos auxquels on va être sensible, encore plus peut-être que les autres années, où quand on va voir un scénariste coup de cœur, on va souvent avoir son dessinateur qui fétiche un peu, qui va être associé dans nos choix d'artistes. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne, les deux fonctionnent ensemble. Hein. Souvent, on a un coup de cœur pour une série parce que bah, l'histoire est bonne, mais parce que aussi le dessin est parfaitement adapté. Et on le retrouve avec des binômes qui voilà, reprennent sur au fil des années, refont des créations ensemble. Évidemment, moi, je te donnerai Maxwell, W ou Maxwell Prince avec Martine Morazzo sur Ice Cream Man. Si Martine Morazzo a un trait très spécial, on va dire, très particulier, ça fonctionne totalement. Le côté étrange de la série fonctionne parfaitement avec les scénarios aussi, au moins aussi étranges de Maxwell Prince. Bien évidemment, le duo Brubaker-Phillips, indissociable. Des années d'expérience et de travail ensemble, auxquelles on peut rajouter, on n'a pas parlé trop tout à l'heure, mais Jacob Phillips aux couleurs. Hein. Maintenant, je crois que ça devient un classique, hein, un trio. Parmi les duos, effectivement, tu parlais de. Il y avait aussi Ramvé et Felipe Andrade, qui. Voilà, le trait de Felipe Andrade est aussi particulier, un peu fragile, un peu hésitant par moments, mais qui va tellement bien avec la poésie de l'histoire de Ramvé. Et Ramvé a fait d'autres séries indées qui méritent de le citer, on va dire, parmi les scénaristes. Et puis bien sûr James Stainforth, mais James Stainforth fait tellement de séries qu'on ne peut pas forcément le relier à un binôme avec un dessinateur, mais c'est vrai qu'avec Martin Simon sur Department of Truth, ouais. C'est un binôme scénario-dessin totalement en symbiose et hallucinant. Après, évidemment, il reste les artistes entre guillemets complets. Donc moi j'avais retenu Michel Fif qui fait tout. Qui est vraiment, pour moi, c'était une vraie découverte. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Et grâce à Delirium, j'ai découvert son travail. C'est vraiment impressionnant. Et puis James Arène aussi sur Ultra Mega. Voilà un peu le petit panorama scénariste-dessinateur que je dresse. Ouais. Moi, clairement, pour ma part, c'est l'année de deux personnes, en fait, 2021. En termes de scénario, c'est l'année de James Tynion-Ford. Clairement, le mec a survolé. Bien au-dessus du lot, tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a fait, même son Batman, hein, finalement, son Fear State, moi, il aborde des thèmes quand même qu'on a de manipulation des masses par la terreur, etc. Bah, qu'on voit quand même assez peu souvent dans le mainstream, et mine de rien, c'était bien, bien moins désagréable à lire ce que j'aurais pu croire, son Batman. Donc au final, même du piège Batman, il a réussi. Pour moi, plutôt à bien s'en sortir. Et pour tout le reste de ce qu'il a fait, voilà, pour moi, c'est l'homme fort de l'année, c'est James Tynion Ford, clairement. Et Tom Taylor. Ouais. Voilà, Tom Taylor, que ce soit chez DC, chez Marvel ou en Indé, tout ce qu'il a fait, bah, ça a fonctionné lui aussi cette année. Donc voilà, moi, c'est vraiment ces deux scénaristes-là. Alors après, oui, il y a les Ramvé, les Chips Darsky, les Donny Cates, Jeff Lemire et compagnie qui sont aussi excellents cette année. Donny Cates et Chibzarsky peut-être un peu plus au-dessus que les deux autres, mais voilà, Tom Taylor et James Tynion Ford, pour moi, ils ont survolé le jeu cette année largement. Et du coup, bah, forcément, les artistes que je vais choisir, bah, c'est vrai qu'ils leur sont liés. Ce sera Alvaro Martinez Bueno et Martin Simmons, ce sera Geoff Shaw, et ce sera des personnes comme ça, en fait. Et Bruno Redondo, évidemment, pour Nightwing. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est là aussi les personnes avec les ces deux-là ont travaillé, et parce qu'il y a eu une alchimie, et il y a vraiment des binômes qui sont en train de se créer depuis 2-3 ans, qui sont des binômes forts. Et petit à petit, quand on va voir les noms de ces duos-là, ou de ces trios, quand on rajoutera les coloristes, ben on ira presque avec une confiance aveugle. On retrouve, peut-être, on est peut-être en train de retrouver cette grande époque où c'était des tandems ou des trios d'artistes qui faisaient qu'on allait lire un titre avant même le titre en question. Et c'est bien que les créatifs, que les créateurs reprennent leur place, je trouve. Par rapport au vote, évidemment, il n'y a pas de match là non plus. C'est James Tynion Ford le scénariste de l'année pour nos auditeurs et pour nos lecteurs, qui prend presque 20% des voix, ce qui est une prouesse quand on sait qu'il y avait 25 scénaristes mentionnés, je crois, dans la catégorie. Donc voilà, avoir 20% sur un seul nom, quand il y a autant de propositions, c'est très très fort. Et puis derrière, ben voilà, c'est des Ram V, Tom Taylor, Donny Cates, Chibzarsky, Jeff Lemire, qui seraient dans un mouchoir de poche pour une deuxième place partagée. Mais James Tynion IV fait quand même le double des voix d'eux, donc ça veut dire quelque chose. Et même chose en termes d'artistes, on avait presque une trentaine d'artistes, et c'est Alvaro Martinez Bueno qui finit premier, devant Andrea Sorrentino, Geoff Cho et Martin Simmons. Donc on a un groupe de tête ultra prestigieux. Alors est-ce que ça a du sens de dire c'est lui l'artiste de l'année, c'est lui le scénariste de l'année, quand on voit la qualité de tout ce qui a été proposé? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on se pose la question, bah, c'est quand même ces noms-là qui ressortent. Du coup, si on devait faire la synthèse et qu'on devait faire un peu le comics idéal cette année, bah, il serait écrit par James Tynion IV, il serait dessiné par Alvaro Martinez Bueno, avec des couleurs de Jordi Belair et une couverture de Martin Simmons. Donc, je vais vous redire la même chose que ce que j'avais dit lors du premier enregistrement. Finalement, le comics idéal, c'est The Nice House on the Lake, numéro 1, avec une variante cover de Martin Simmons. Et je crois que ça résume plutôt bien l'année qu'on a vécue. Clairement, ouais, c'est sans doute le coup de cœur généralisé, on va dire, général. Et c'est plutôt pas mal. Et The Nice House on the Lake, ouais, est aussi le choix en termes de série limitée. Donc voilà, clairement... on a une espèce de cohérence, en fait, dans les votes de cette année, et même dans nos choix à nous, mais surtout dans les votes, où bah, finalement, voilà, y a vraiment Nice House on the Lake qui se détache et qui, du coup, va faire briller tous ses protagonistes. Que ce soit le scénario, le dessin, la couleur, tout ça. Et tout ce petit monde finit en tête des votes, en fait, parce qu'il y a cette espèce de bombe qui a débarqué cette année et qui va tout emporter sur son passage en VF, je n'en doute pas, quand elle arrivera cette année, en 2022. Et voilà. Et Crossover, bah, qui est la série préférée de nos lecteurs et auditeurs en VO, et bah, du coup, bah, impacte aussi les résultats derrière sur le reste. Et ça aussi, ça sera la bombe de l'année en VF. On les a, hein, nos deux gros hit de 2022, ils sont là, hein. Crossover, Nice House on the Lake, et je pense qu'on se trompe pas en le disant. Ouais, clairement, ça va être... Avec un Department of Truth en embuscade. Ouais, après, c'est Department of Truth, la partie graphique peut rebuter un peu, donc ça va peut-être... Volume à 10€, hein. Oui, c'est vrai qu'ils relancent cette politique, là, ça c'est bien. Mais c'est peut-être plus difficile d'accès, on va dire, peut-être, que The Nice House on the Lake. Mais, grand public, même sur, voilà, la thématique. Mais tout à fait recommandable. Pas de problème. Exactement. Et bien voilà qui conclut un bilan d'une année 2021 particulièrement belle et riche, qui nous laisse plein d'espoir pour 2022. On se retrouvera dans une quinzaine de jours environ pour un deuxième épisode pour cette année, le deuxième numéro de Comic Stories cette année, qui sera le 319e. Où on reprendra le train de nos chroniques comics VO, VF habituelles, et où on parlera aussi d'adaptation, puisque je sais que plusieurs personnes dans l'équipe souhaitent aborder Spider-Man No Way Home, et du coup, nous lui laisserons un peu de place la prochaine fois. Et bien voilà, messieurs, on a réussi à boucler ce deuxième tournage, ce deuxième enregistrement du bilan 2021, avec pas trop de lassitude, ça va, je m'attendais à être plus... Ça a été, on n'a pas l'impression de trop se répéter. Ça va. Et c'est toujours motivant de parler des titres qu'on a aimés. Donc, on arrive quand même à reproduire une belle synthèse et une motivation. Ce ne sera pas le meilleur podcast de l'histoire. Non, sans doute pas. Comic Stories, comme l'était cette malheureuse première prise perdue. C'est bien dommage. Eh oui, mais personne ne pourra en profiter. Exactement. Allez, on vous souhaite à tous de bonnes lectures, évidemment. Et n'hésitez pas à partager, à commenter les choix que l'on a fait cette année et que vous avez fait, hein, dans vos votes. N'hésitez pas à venir commenter tout ça sur le site ou sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Évidemment, on se retrouve donc, je vous disais, dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et bonne lecture. À bientôt. À bientôt.